Selon une dépêche sud-coréenne, le Conseil des mesures pour le problème des volontaires de Corée du Sud a lancé le 24 courant une déclaration demandant au ministère sud-coréen des Affaires étrangères de rendre public le dossier de négociation lié à l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise.